Et tout de suite après, en pleine nuit, je vous l'ai dit, Iago va claironner sous les fenêtres de Brabantio, sénateur de Venise, que sa fille unique Desdémone et le mort sont en train de faire la bête à deux dos. Puis Iago met en garde Othello sur les pouvoirs de Brabantio. Mais Othello s'en moque, car il se rend à une convocation du doge pour une expédition contre les Turcs à Chypre. Après avoir été devant le doge, copieusement insulté et même soupçonné de sorcellerie par celui qui est, bien malgré lui, désormais son beau-père, Brabantio, Othello, reconnu par le doge comme un gendre plus brillant qu'il n'est noir, envoie Iago chercher Desdémone, puis il s'explique devant le doge et son beau-père Brabantio.